Seconde Corinthiens chapitre 7. Or donc, mes bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, nettoyons-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sanctification en la crainte de Dieu. Recevez-nous, nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons corrompu personne, nous n'avons pillé personne. Je ne dis point ceci pour vous condamner, car je vous ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à mourir et à vivre ensemble. J'ai une grande liberté envers vous, j'ai grand sujet de me glorifier de vous, je suis rempli de consolation, je suis plein de joie dans toute notre affliction. Car après être venu en Macédoine, notre chair n'a eu aucun relâche, mais nous avons été affligés en toute manière, ayant eu des combats au dehors, et des craintes au dedans. Mais Dieu, qui console les abattus, nous a consolés par la venue de Tite. Et non seulement par sa venue, mais aussi par la consolation qu'il a reçue de vous, car il nous a raconté votre grand désir, vos larmes, votre affection ardente envers moi, de sorte que je m'en suis extrêmement réjoui. Car bien que je vous ai attristé par mon lettre, je ne m'en repens point, quoique je m'en fusse déjà repenti, parce que je vois que si cette lettre vous a affligé, ce n'a été que pour peu de temps. Je me réjouis donc maintenant, non de ce que vous avez été affligé, mais de ce que vous avez été attristé à repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, de sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Puisque la tristesse qui est selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, mais la tristesse de ce monde produit la mort. Car voici, cela même que vous avez été attristé selon Dieu, quel soin n'a-t-il pas produit en vous, quelle satisfaction, quelle indignation, quelle crainte, quel grand désir, quel zèle, quelle vengeance. Vous vous êtes montré de toute manière pur dans cette affaire. Quoique je vous ai donc écrit, ce n'a point été à cause de celui qui a commis la faute, ni à cause de celui envers qui elle a été commise, mais pour faire voir parmi vous le soin que j'ai de vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés de ce que vous avez fait pour notre consolation, mais nous nous sommes encore plus réjouis de la joie qu'a eu Tite, en ce que son esprit a été recréé par vous tous. Parce que, si en quelque chose je me suis glorifié de vous, dans ce que je lui en ai dit, je n'en ai point eu de confusion, mais comme nous vous avons dit toutes choses selon la vérité, ainsi ce dont je m'étais glorifié de vous dans ce que j'en ai dit à Tite, s'est trouvé être la vérité même. C'est pourquoi, quand il se souvient de l'obéissance de vous tous, et comment vous l'avez reçu avec crainte et tremblement, son affection pour vous en est beaucoup plus grande. Je me réjouis donc de ce qu'en toute chose je me puis assurer de vous.